planté, je l'ai planté, je l'ai laissé tomber. Moi qui suis né, déraciné, je peux pas mieux tomber. Épinard, peinard, sous un toit de serre, et si bien dans ma peau, me voilà. Blanc qu'avait pas les pieds sur terre, devenu vert, un seul pied dans du terreau. Blanc qu'avait pas les pieds sur terre, devenu vert, un seul pied dans du terreau. Plus de bruit, plus d'habits, plus d'heures, plus de mots, plus de moto, plus de moteur. Secrète est ma vie, Stevie, toi qui la connais par cœur. Planté, je l'ai planté, je la vois plus passer. Moi qui suis né, pas rassuré, jamais je vais pousser. Si rien ne vient sous mon toit de verre et ressemble à sa peau, je serai brun comme une feuille après verre à l'envers, donné vers le fond de l'eau. Brun comme une feuille après verre à l'envers. Vers le fond de l'eau. Plus de bruit, plus d'habits, plus de corps, plus de son, plus de chansons, plus de décor. Secrète est ma piste qui vit, sans écho sera ma mort. Je me suis planté, je l'ai planté, je l'ai laissé tomber. Moi qui suis né dans la cité, je peux pas mieux tomber. Fini, fané, tout ça m'indifferencie. Je sais que bientôt, je serai moi qui étais plutôt d'un singer, homme de terre, caressé par tes sabots. Moi qui étais plutôt d'un singer.